France Inter. Le 6-7. Un parfum d'Amérique qui va nous faire swinguer tout l'été et tous les matins sur France Inter. Le 16 août prochain, c'est une date qui marquera les 40 ans de la mort d'Elvis Presley. Et à cette occasion, donc, France Inter retrace la légende du King avec Magic Elvis, le feuilleton des radios francophones publiques consacré, bien sûr, à Elvis Presley. Ce matin, pour nous faire revivre cette légende, voyage sur les terres du chanteur et bienvenue, bien sûr, à Graceland, 37 miles 64 Elvis Presley Boulevard, c'est à Memphis, la mythique propriété du King. Philippe Robin joue les guides. L'avion commence sa descente sur Memphis. Par le hublot, la vue est splendide. On peut voir l'immense Mississippi qui marque la limite entre le Tennessee et l'Arkansas, et puis cette ville de Memphis qui, au propre comme au figuré, rime avec Elvis. Je sens une émotion bizarre qui commence à m'envahir. Un sentiment étrange que d'ailleurs tous les fans du King sont venus chercher ici depuis 1977, cette impression curieuse d'arriver sur ce territoire, son territoire, sur lequel tout a commencé. Information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Le taxi que j'emprunte roule vers le sud et il finit par déboucher sur cette route qui indique le but de mon voyage, Elvis Presley Boulevard. Impossible de manquer l'endroit, il y a de chaque côté de la route une succession de boutiques, de musées, de restaurants, d'hôtels à l'effigie du King et la foule de visiteurs le long du trottoir, le nombre de voitures sur les parkings me disent que je viens de débarquer dans l'un des sites les plus touristiques des États-Unis. Je me demande bien comment cet endroit pouvait être en 1957, quand Elvis a acheté cette maison nommée Graceland. Okay, my man, you're the man, Craig. I'm George Klein, live at Graceland, Sirius 13 Elvis Radio. This for everybody up in Portland, Maine, checking us out today. Il est 17h à Memphis. Je vais à la rencontre de George Klein, un ami d'enfance de Presley. Il termine l'émission qu'il anime aujourd'hui encore sur cette radio entièrement dédiée à Elvis. George a tout vécu avec Elvis. Ils étaient copains d'école dès l'âge de 8 ans et il lui est resté fidèle jusqu'au bout. D'ailleurs, il était là quand Elvis s'est installé à Graceland. Elvis a acheté Graceland pour 100 000 dollars. Il a ajouté 50 000 dollars pour la rénover. Nous sommes partis tourner le film Jailhouse Rock à Hollywood, et quand nous sommes revenus, les travaux étaient finis. Et Elvis en était très content. Un autre témoin, Patsy Anderson, 22 ans au service d'Elvis Presley Enterprise. Elle aussi connaît bien l'histoire de Graceland. Quand Elvis s'est installé ici, c'était la campagne. On était sur l'autoroute 51 qui mène vers le sud. Si les fans voyaient Elvis dehors, sur un cheval ou au volant d'un kart, ils s'arrêtaient et laissaient leur voiture au milieu de la route. Et la police distribuait des amendes. Alors Elvis a acheté le terrain d'en face pour que les fans se garent et passent la nuit là s'ils le voulaient. Et en 1957, pendant que l'on décorait sa nouvelle maison à son goût, Elvis était à Hollywood pour jouer le rôle de Vince Everett dans son troisième film, Jailhouse Rock, le rock du bagne. Be delighted with your company. Magic Elvis, ceci est série signée donc Philippe Robin. C'est tout l'été sur France Inter avec les radios francophones publiques.